Et merci à Esther Valensic et Jacques Azubert qui nous ont permis de passer d'Yves Montand à Keith Jarrett avec autant de simplicité et de fluidité. Christian Béthune, vous êtes philosophe, professeur associé au CIREC, attaché à la faculté de Saint-Étienne et de Lyon. Vous êtes membre de l'association des musicologues d'Auvergne et vous êtes avec nous depuis Châteauguay à côté de Clermont-Ferrand. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la musique, sur le jazz, sur le blues, mais aussi sur le rap. D'où vient cet amour pour vous en tant que philosophe, pour la musique et pour le jazz en particulier ? Alors j'ai découvert le jazz absolument en même temps, la même année où j'ai découvert la philosophie, donc ça remonte à 67. Et ça a pour moi été un parcours inséparable des deux, mais d'une façon extrêmement curieuse d'ailleurs, parce que pendant longtemps j'ai cru qu'on pouvait proposer une lecture philosophique du jazz. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout à fait le contraire. Mais c'était à partir de mon implication avec le jazz et la culture afro-américaine que je commençais à comprendre ce qu'était la philosophie. Voilà, ça a été, c'est quand cette inversion s'est faite que le processus d'écriture s'est déclenché. Et donc, c'est plutôt le jazz qui m'a fait comprendre la philosophie que la philosophie qui m'a aidé à comprendre le jazz. Et quelle place tient Keith Jarrett dans votre réflexion sur le jazz ? Ben, Keith Jarrett, c'est une place un peu particulière parce que moi je sépare sa production en deux grandes parties. Il y en a une qui m'intéresse plus que l'autre. Je suis beaucoup plus intéressé par ses travaux en trio, en quartet, que par ses grandes messes en solo qui ne satisfont pas tout ce que j'attends de cette musique. Voilà, même s'il y a des passages exceptionnels, c'est pas le problème, mais moi je suis vraiment un amateur. Alors en revanche, je pense que le trio qu'il a fait avec Gary Peacock et Jack DeJohnette par exemple, et puis celui qu'il a fait avec Charlie Haden, Paul Mossian, Dewa Redman, ce sont des grands événements de l'histoire du jazz. En revanche, ces grandes messes concertantes en solo, j'y adhère beaucoup moins. Vous voulez dire que le concert de Cologne, auquel on a consacré toute une émission hier et qui l'a rendu mondialement connu encore aujourd'hui, c'est pas trop votre tasse de thé? Voilà, bon. C'est et encore le concert de Cologne, c'est quand même tout à fait intéressant. Peut-être que le plus intéressant là-dedans, c'est le fait qu'il avait un piano défectueux et que je crois qu'il y avait deux notes qui ne fonctionnaient pas. C'est même pas qu'il était désaccordé, il pouvait pas jouer deux notes. Et je pense que ce handicap entre guillemets lui a donné des ressources créatrices qu'il n'aurait peut-être pas eu dans d'autres circonstances. Alors, on a beaucoup parlé d'improvisation cette semaine, évidemment. Et avec vous, aujourd'hui, pour terminer ce confinement avec Keith Jarrett, nous avons décidé de parler du temps, ce que le jazz fait au temps. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec cette idée de la répétition, que vous avez d'emblée distinguée de la reprise, puisque l'histoire du jazz est aussi l'histoire de la reprise de certains standards, de thèmes et de mélodies qui existent déjà et qui sont composés à nouveau. Est-ce que le jazz introduit un rapport particulier au temps qui n'existe nulle part ailleurs, et si oui, est-ce que vous arrivez à le définir ? C'est-à-dire je serais plutôt tenté de dire qu'il exploite une relation que nous avons tous au temps d'une façon bien particulière. C'est toute la différence entre précisément la reprise improvisée et le rejouer une partition. Parce que d'une certaine manière, une partition, ça va bloquer le processus mémoriel. C'est-à-dire que quand on interprète une partition, on essaye de la restituer comme elle a été écrite à l'origine. Or, ce qui se passe quand on reprend quelque chose, c'est que entre le moment où on a eu notre première expérience et puis toutes les expériences intermédiaires qui se sont accumulées, qui se sont intercalées, l'objet mémoriel est complètement différent et n'est pas le même. Et donc, c'est cette évolution du processus mémoriel qui est tout à fait intéressante justement dans le phénomène de l'improvisation. C'est-à-dire que on a un objet qui est la première fois que j'ai eu l'expérience de ce que, par exemple, si je suis musicien, la première fois que j'ai joué ce morceau, et puis je le rejoue, et chaque fois c'est riche d'une expérience supplémentaire. Je peux peut-être vous lire un petit texte de Günther Schuller sur la façon d'improviser de Lester Young, qui est tout à fait intéressante. Voilà ce qu'il dit. Lester Young avait une façon intéressante d'aborder une ballade lorsqu'il la jouait durant quelques jours ou quelques semaines. D'abord, il reprenait le thème tel qu'il avait été composé et le faisait suivre d'une improvisation. Une semaine plus tard, il laissait le thème de côté et commençait par l'improvisation de la semaine précédente. La semaine suivante, il faisait de même avec le second chorus, et ainsi de suite, l'une après l'autre, faisant de chacun de ses choristes successifs un point de départ. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'improvisation, la reprise est aussi un point de départ, et un point de départ sur quelque chose de nouveau. Mmh. Et donc, c'est quelque chose de nouveau. Un des plus beaux compliments peut-être que j'ai entendu, qui était à la fois une critique et un compliment, c'est ce que Miles Davis un jour a acquis, c'était une, quand il avait été intronisé citoyen de la ville de Paris. Et après on l'a interviewé et un confrère lui demande « Mais allez-vous écouter Art Blakey ce soir qui joue ?» Et Miles Davis éclate de rire, il dit « Non, je ne vais pas écouter Blakey. Blakey, ça fait 50 ans qu'il fait les mêmes choses. » Et il rajoute « Et on croit toujours qu'il vient de l'inventer. Bah, » ce qui est plutôt... Oui, c'est ça. C'est le meilleur des compliments, c'est ce que vous dites. Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans le travail de l'improvisation musicale, il y a une superposition entre le passé et le présent, et qu'au fond, ce qu'on appelle le passé, vous parliez de cet aspect mémorial, est quelque chose qui est comme une couche sur laquelle vient s'ajouter le moment où c'est rejoué, le moment du présent. Et on n'est plus dans une perspective linéaire du temps, mais bien comme deux couches qui se superposent. Oui, je dirais même, oui, c'est-à-dire que non seulement il y a le passé de toutes les fois où les musiciens ont improvisé le morceau qu'ils reprennent, mais il y a aussi toutes les fois où dans l'histoire du jazz, ouais, ce morceau a été improvisé. Je suis persuadé que lorsque Keith Jarrett joue ici Les Feuilles Mortes, il pense à Bill Evans qui jouait très volontiers ce thème. J'en suis persuadé. Et que ce ressouvenir du thème de Bill Evans vient contaminer la façon dont il joue Les Feuilles Mortes. Peut-être qu'il se rappelle également que le ressouvenir de la façon dont Ben Webster interprète ce thème d'une façon surprenante vient aussi. Et alors, ce qui est aussi beaucoup plus intéressant, c'est que moi, lorsque j'écoute Les Feuilles Mortes par Keith Jarrett, il y a aussi, alors c'est ça qui est curieux aussi, il y a des versions qui n'existaient pas quand Keith Jarrett a joué ça, qui viennent se superposer. Je pense par exemple à une version qu'avait donnée Michel Petrucciani, oui, à Banlieue Bleue dans les années 90, qui était absolument surprenante, avec une introduction, mais une introduction qui rendait hommage à Bill Evans, à Keith Jarrett aussi, et à tous les improvisateurs sur Les Feuilles Mortes. Ce qui veut dire que la répétition n'est pas la répétition du même, mais comme vous l'avez dit, la reprise de quelque chose qui existait et qui est rejoué à nouveau, mais légèrement différent. Et tout est dans ce légèrement différent, n'est-ce pas, ce qui permet d'avoir un rapport, disons, non seulement apaisé, mais joyeux à la répétition. C'est en tout cas en ces termes que Kierkegaard, vous l'avez cité, Christian Béthune, parle de la répétition dans le texte que voici. Thank you. répétition est en vérité le seul heureux. Tout comme l'heureux souvenir, il ne présente pas l'inquiétude de l'espoir, ni l'angoisse de l'aventure et de la découverte, pas plus que la mélancolie du ressouvenir. Il a la sainte assurance de l'instant présent. L'espoir est un habit neuf, raide et serré, étincelant, bien qu'on ne l'ait jamais porté et que par conséquent, on ignore s'il vous va ou s'il vous siéra. Le ressouvenir est un vieil habit qui, si beau soit-il, ne vous va plus, car vous avez grandi. La répétition est un habit inusable qui vous tient comme il faut tout en restant souple, sans vous étouffer ni ballonner. L'espoir est une ravissante jeune fille qui vous glisse entre les doigts. Le ressouvenir est une belle femme d'âge mûr qui pourtant n'a jamais fait votre affaire quand il le fallait. La répétition est une épouse adorée qui ne vous lasse jamais, car seule la nouveauté est lassante. On ne se lasse jamais de l'ancien, et sa possession ne peut que vous rendre heureux. Seul sera vraiment heureux celui qui ne se trahit pas en imaginant que la répétition devrait être quelque chose de nouveau, car il s'en lassera. Espérez. Ce ressouvenir est le propre de la jeunesse, mais c'est le propre du courage que de souhaiter la répétition. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On est confiné avec Keith Jarrett cette semaine et vous écoutez la reprise de God Bless the Child dans l'album Standard 1 d'ailleurs, qui date de 1983, toujours avec Gary Peacock à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie. On a entendu ce même thème lundi dernier pour ouvrir cette semaine, hein, c'était avec Raphaël Imbert, et voilà que l'on se répète nous aussi pour faire écho au texte de Kierkegaard, Christian Béthune. Texte surprenant parce qu'il semble dire exactement ce que vous disiez sur les bienfaits de la répétition. Il parle même de ressouvenir, c'est le terme que vous avez employé. Et en même temps, il semble dire l'inverse. Il dit « seule la nouveauté est lassante ». Finalement, comme si la répétition n'était souhaitée que parce qu'elle répétait exactement ce qui avait déjà eu lieu. Alors, comment est-ce que vous lisez ce texte, vous ? Alors, je vais faire deux remarques. D'abord, la traduction que vous avez utilisée, qui est la traduction Payot, parle de répétition, alors que il y a une traduction chez Garnier Flammarion qui est plus récente, voilà, qui parle de reprise, et qui parle vraiment de reprise, ouais. Parce que dans d'autres endroits de la reprise, justement, Kierkegaard prend bien soin de spécifier que reprendre, ce n'est pas répéter. Ça, c'est donc ça provoque une petite ambiguïté. D'autre part, j'ai un peu oublié le deuxième point que je voulais aborder. Ça n'a aucune importance puisque de toute façon nous parlons on se demandait dans quelle mesure est-ce que Kierkegaard était en phase avec ce que vous disiez ou si au contraire il le contredisait, parce que certes il dit répétition ici et pas reprise, mais il dit quand même que seule la nouveauté est lassante, comme si dans la répétition ou dans la reprise, ce qui importait c'était que les choses soient exactement comme elles étaient. Et il prend l'image de cette épouse. La répétition est une épouse adorée qui ne vous lasse jamais. Mais est-ce que vous trouvez vraiment que la nouveauté est lassante ? Est-ce que ce que nous sommes en train d'écouter n'est pas le démenti de cette affirmation ? Alors, ce qui est intéressant quand il dit la nouveauté est lassante, je vais prendre une petite distinction conceptuelle qui est très bien cernée par Walter Benjamin. Mm-hmm. Benjamin fait une différence entre l'expérience immédiate, qu'il appelle Erlebnitz en allemand, qui s'appelle Erlebnitz, qui est l'expérience qu'on fait dans l'immédiateté et dont précisément souvent il ne nous reste rien, c'est toujours nouveau, un petit peu comme le lanceur de dés qui lance toujours les dés, chaque fois qu'il lance les dés, le jeu des probabilités est toujours le même, tout est toujours nouveau en même temps. Et puis il y a l'expérience qui s'appelle Erfahrung, qui est au contraire, qui porte en elle toute la sédimentation des expériences passées et qui précisément est la seule condition d'aller de l'avant, finalement. Parce que précisément, il y a tout ce passé. Parce que, et là, je vais encore faire une référence à un philosophe, c'est Husserl, qui dit que dans le ressouvenir, le passé et le présent, le passé, c'est le maintenant. On ne perçoit jamais le passé au passé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on perçoit toujours le passé au présent. Et donc, le passé est un maintenant dans le ressouvenir, et ce maintenant vient s'imbriquer à l'expérience que nous avons. Et notre expérience est faite de ce maintenant du passé, de ce maintenant du maintenant, si je puis dire, du présent. Et la répétition est aussi dans ce jeu de basse sublime de Gary Peacock. Alors Christian Béthune, prenons un cas particulier, ce que nous venons d'écouter, God Bless the Child, pour essayer de comprendre ce que vous avez dit en citant Husserl et Kierkegaard. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne vit jamais le passé dans le passé? Dans quelle mesure l'expérience même d'écouter ce thème, cette musique, nous met face à ce qu'on pourrait appeler une sorte de feuilletage du temps que vous essayez de décrire? À ma connaissance, donc le quartet enregistre une première fois en 83 dans le Standard 1 ce trio Gary Peacock et Jack DeJohnette avec Keith Jarrett enregistre une première fois en 83 ce morceau, puis après il est au répertoire de la tournée de 85. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve sur YouTube, et il existe aussi un DVD qui présente 4 concerts d'affilée, celui du Japon, celui de Juan les Pins, celui de Lag en Hollande et puis un en Espagne. Donc, et chaque fois ils reprennent le thème et on voit bien comment justement ce thème se feuillette, etc. Et on peut penser que à chaque fois les musiciens ont présenté toutes les versions qu'ils ont données avant. Et c'est un peu aussi ce qui se passe dans la mémoire de l'auditeur, parce que l'auditeur, il a aussi, par exemple, on peut penser que dans la salle de concert, beaucoup connaissaient la version de Standard de 83, par exemple, et donc c'est un premier feuilletage. Et puis il y a un deuxième feuilletage avec l'histoire du jazz, c'est-à-dire que d'une certaine manière nous nous rappelons aussi, nous nous ressouvenons subrepticement de l'ensemble des versions que nous pouvons connaître de ce thème God Bless the Child, qui a été créé par Billie Holiday, écrit par Herzog et Billie Holiday, mais qui a été créé par Billie Holiday, qui a été joué magistralement par le quartet ou le quintet de Sonny Rollins, je me rappelle, avec Jim Hall à la guitare, par exemple, à la place du piano, et tout ça vient se superposer dans notre expérience présente, et ça participe à l'épaisseur de l'expérience du jazz que nous avons. Ça veut dire que dans le jazz, le temps est cyclique, qu'il se répète, mais au sens presque de l'éternel retour nietzschéen, parce que c'est ça qui nous fait à la fois, c'est une répétition dans laquelle on peut s'améliorer. Oui, d'une certaine manière, le temps est à la fois cyclique et progressif. C'est un petit peu comme le swing fait progresser une mesure en la déplaçant et en la répétant et en déplaçant les accents à des endroits toujours différents. La façon dont un rythme ternaire vient se greffer sur un rythme à quatre temps et où par un jeu de décalage l'accent revient à des points différents de la mesure, ce qui est une des composantes du swing. J'ai donné des récitals dans les années 80 et au début des années 90. Une fois, lorsque je me trouvais dans ma loge avant un récital à Washington, je crois, j'allais monter sur scène pour jouer du Bach, du Mozart, du Beethoven et d'autres choses, je ne sais plus exactement quoi. Et j'ai soudainement compris ce qui me manquait, une sensation forte. J'étais en coulisses et je n'étais pas suffisamment excité à l'idée de donner ce concert. Bon, j'ai essayé de comprendre pourquoi et je suis presque sûr que c'était parce que je connaissais déjà la musique, note par note. I knew all the notes already. It was not able to be changed. It could only be very good or it could On ne pouvait pas la changer. Elle pouvait être très bonne ou très mauvaise ou entre les deux. I didn't like that feeling. Et ce sentiment ne me plaisait pas. C'était la voix de Keith Jarrett le 11 octobre 2000 avec Lionel Esparza. Keith Jarrett qui fait part de la lassitude qui s'est emparée de lui avant de monter sur scène pour jouer du classique, Bach et Beethoven, dit-il. Il dit, mais au fond, ce qui m'ennuyait, c'est que la musique que j'allais jouer, je la connaissais déjà. Comment expliquer, Christian Béthune, que dans ce cas précis, eh bien, le passé dont nous parlons, ce qui existait déjà et que la musique peut faire vivre à nouveau, une nouvelle fois, eh bien, provoque non pas de l'excitation, mais de la lassitude. Parce que précisément, il s'agit d'un passé fixé par une partition. Et donc là, il s'agit bien d'une répétition et plus que d'une reprise. Parce que précisément, il va bien sûr essayer de répéter en mieux quand même, chaque fois tendre vers l'idéal que représente l'idée du compositeur qu'il a placé dans sa partition. Mais enfin, il n'y a pas cette aventure du ressouvenir qui vient se frotter à tous les strates de l'expérience. C'est d'une certaine manière, c'est un peu pour ça qu'a été inventée l'écriture musicale, pour laisser à l'auteur du morceau toute sa paternité. Et c'est en tant que référent à cette paternité que l'interprète joue la partition. Alors que précisément, à partir du moment où il y a improvisation à partir d'un thème, il n'y a plus de paternité. Le créateur du thème en est dessaisi. La façon dont Coltrane dessaisit un Hammerstein de My Favorite Things est sidérante. D'une certaine manière, la façon dont Keith Jarrett dessaisit Cosma des Feuilles Mortes est sidérante. Et c'est ça qui est, c'est ce dessaisissement et à la fois cet hommage total. Parce que Coltrane, par exemple, on a beaucoup glosé sur l'aspect mièvre de My Favorite Thing, mais Coltrane a toujours dit que c'était pour lui un très beau thème. Et que, d'une certaine manière, cette façon dont il le déstructurait, c'était aussi un hommage. Oui, mais alors justement, quelle différence entre un pianiste qui va jouer, entre Glenn Gould qui joue du Bach et Coltrane qui joue My Favorite Things ou Keith Jarrett qui joue Les Feuilles Mortes. Dans les deux cas, il y a une paternité, comme vous le dites, une paternité assumée, Bach d'un côté, Cosma de l'autre, on va dire. Et dans les deux cas, il y a l'introduction de la subjectivité du pianiste dans l'interprétation du morceau. Oui, mais c'est quand même pas pareil. C'est quand même l'introduction d'une subjectivité qui... L'interprète crée quelque chose, c'est ça que je veux dire aussi. Glenn Gould qui joue Bach, qui crée quelque chose. Pas une nouvelle musique, mais une nouvelle façon de jouer. En plus, Glenn Gould, c'est un peu un exemple à part. Mais je le prends à dessein, pour essayer de briser cette opposition un peu schématique entre classique d'un côté et jazz de l'autre. Ah, c'est, pour moi, c'est pas une opposition schématique, parce que la question de l'octorialité est fondamentale, et je pense que l'écriture musicale a été inventée pour fonder un auteur et d'une façon autoritaire. La meilleure preuve, c'est que au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous la dictature des Pisistrates, on a déclaré que le texte de l'Iliade devrait être fixé, que les aèdes n'auraient plus droit d'ajouter des vers, d'en enlever, d'ajouter des épisodes comme ils faisaient, ou d'en retrancher. Quand on dirait l'Iliade, on dirait les vers, il faudrait apprendre les vers par cœur, et c'est cette référence écrite qui a été fixée une fois pour toutes qui va devenir l'Iliade et l'Odyssée telle que nous connaissons, ou telle que peut-être nous connaissons. Il y a peut-être eu quand même des transformations entre les deux, mais enfin, c'est un décret. Un décret de fixation. Et l'écriture, c'est quand même, c'est déjà ce que reprochait Platon à l'écriture, un processus de fixation de la mémoire. Qui n'a pas lieu à partir du moment où on improvise. Cette mémoire est plus libre. C'est le maintenant du ressouvenir qui est en résurgence et qui fait son chemin. D'ailleurs, un maintenant du ressouvenir qui peut être tout à fait proliférant, puisque par exemple la façon dont Parker introduit très souvent quand il le trouve sous les doigts le petit air de Carmen là, voilà, il entend, et puis ça lui sert de pont pour passer à quelque chose, etc. Donc parfois, par exemple, cette façon d'interpréter les feuilles mortes, je l'ai retrouvée, je l'ai réentendue, j'ai pas noté hélas. Dans des solos de Keith Jarrett, ouais. Je dis tiens, ça, il l'a joué dans son. On l'entend souvent dans les solos de Keith Jarrett. On entend des reprises de morceaux qu'il a déjà joué avant en trio. Voilà. Mais ça, on l'entend chez tous les musiciens de jazz. C'est ces citations qui viennent éclater comme des bulles de champagne à l'intérieur des solos. Qui sont la mémoire du jazz. Voilà. Toute la question est de savoir si, pour créer, il faut tout oublier. Quel rapport entretenir avec cette mémoire-là, si elle n'est pas écrite dans la partition, au moins jouée sur un disque que l'on peut écouter? Voici l'avis du compositeur Pierre Boulez. La mémoire culturelle, dans ce sens-là, c'est une mémoire qui est vraiment une entrave au développement. La mémoire, à ce moment-là, brûle chaque fois comme une espèce de combustible absolument indispensable pour créer de nouvelles unités, de nouveaux êtres vivants qui sont traduits par le langage. C'est aussi simple que ça, mais en même temps, il y a très peu de gens qui aiment brûler leur bibliothèque, parce qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent confortables dans une bibliothèque intéressante, mais ils se sentent, disons, très dépourvus si on leur dit « mais pourquoi vous vous référez toujours à la même chose ?» Et je trouve que pour un esprit qui veut créer, il est indispensable, absolument indispensable, de brûler la bibliothèque, mais de la brûler comme le phénix. C'est-à-dire qu'elle va renaître de ses cendres, et c'est grâce à cela que le phénomène de la création en général va se présenter. Pierre Boulez affirme donc le 13 juin 2013, c'était au Centre Pompidou, en faisant référence à un texte de René Char, hein, « La bibliothèque est en feu », que pour créer, il faut oser brûler sa propre bibliothèque. L'image est très forte, l'image est même à quelque chose d'assez scandaleux. Est-ce que la création du nouveau est à ce prix, Christian Béthune ? Alors là, je dirais que Boulez a une conception individuelle, voire individualiste de la création. Et donc, effectivement, pour affirmer son génie, il faut se distinguer de tous les autres. Après moi, le déluge. Le jazz, pas forcément d'ailleurs, parce que justement, avec l'espoir d'ailleurs de faire date dans la création pour les autres. Hein. C'est le problème de, c'est le fantasme de tout auteur, d'une certaine manière, même s'il est inavoué. Mais d'un autre côté, c'est la question de la création du jazz, c'est une création collective et c'est une création en commun. On ne crée pas sans le public. Il y a une très belle anecdote. Un jour, c'est Chick Webb qui discutait avec Joe Manning, qui était le chef des danseurs du Savoy. Et Chick Webb lui dit, c'est nous qui vous faisons danser, hein, vous faites... Et Joe Manning a fait, il dit simplement à Chick Webb, ah bon? Et le soir, Joe Manning n'a pas fait danser ses danseurs. Mm-hmm. Et Chick Webb a envoyé un musicien pour lui dire, dansez, on peut pas jouer si vous dansez pas. Et il a supplié Joe Manning de danser. Et Joe Manning a eu un petit sourire à l'égard de Chick Webb, etc. Voilà. Donc c'est important. La création, et Coltrane le disait aussi, moi je ne peux pas créer sans public. C'est pour ça d'ailleurs que My Favorite Things, il n'en a fait qu'une version en studio et que il a peut-être fait 25 versions de My Favorite Things qui durent de 10 minutes à 1 heure. Chaque fois c'était devant un public et il a besoin de ce public et je joue en fonction des réactions de ce public, ce que ne supporterait pas, je pense, Pierre Boulez, précisément, que sa partition se transforme comme ça, sauf s'il l'a prévu en calculant des hasards, ça c'est autre chose. Mais enfin, d'une certaine manière, c'est ça aussi, c'est que le jazz dépouille le musicien de son statut d'auteur. Ça ne dépouille pas du statut de créateur, mais il n'est pas créateur tout seul. On est créateur à l'intérieur d'une communauté. Le jazz, c'est un processus d'individuation collective. On se reconnaît à l'intérieur de cette communauté et on partage cette communauté. Et c'est ça qui est très important. Par exemple, on m'a reproché d'être postmoderne, mais pas du tout. Je ne suis pas du tout postmoderne. Précisément pour moi, la tradition est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire postmoderne déjà? Ça veut dire celui qui se fiche de la tradition? Oui, d'une certaine manière, le postmoderne butine sur les cultures constituées sans se soucier des attaches traditionnelles, des ancrages traditionnels qui sont pour lui des freins à la créativité, à la liberté, à la jouissance, à je ne sais quoi. Il y a le très beau livre de Lyotard sur la condition postmoderne. Alors que moi, je pense qu'au contraire, le jazz, c'est un ancrage dans la tradition et cette façon de partager, d'une certaine manière, toute improvisation est un moment de partage en commun d'une tradition assumée à la fois par les musiciens et par le public. Et c'est dans ce passage, ce passage d'une version à une autre que se constitue l'intérêt, disons, la révérence pour le jazz. Je vois pas d'autre mot pour dire ça. C'est vraiment cette idée de communauté, cette idée de mise en commun. Certaines personnes ont le jazz en horreur. Vous le savez, Christian Béthune, certaines personnes n'arrivent pas à écouter du jazz, soit le méprisent, soit ne le comprennent pas, soit ont juste les poils qui se dressent sur les bras, et pas par plaisir, mais par horreur quand ils entendent quelques notes. Eh bien, le philosophe Théodore Adorno en fait partie. Voici quelques lignes dans lesquelles Théodore Adorno explique pourquoi il tient le jazz en horreur. Il a vraiment des bons arguments. Vous essaierez de lui donner tort ensuite, Christian Béthune. Ceux qui se laissent induire par la respectabilité croissante de la culture de masse à prendre une chanson populaire pour une œuvre d'art moderne parce qu'une clarinette y fait des couacs et qui croient qu'un triple accord mêlé de dirty notes est atonal ont déjà capitulé devant la barbarie. L'art tombé au niveau de la culture subit le châtiment d'être irrésistiblement confondu avec ses propres déchets, plus il développe cette monstruosité. Le prix du privilège culturel est un analphabétisme sûr de sa valeur et qui prend l'abrutissement de l'excès toléré pour le royaume de la liberté. Rebelles timides, ils sont déjà prêts à courber l'échine, comme le jazz leur en donne l'exemple en intégrant le faux pas et l'arrivée avant l'heure à la marche collective. Il y a une ressemblance frappante entre le fan du jazz et certains jeunes adeptes du positivisme logique qui se débarrassent de la culture philosophique, avec le même empressement avec lequel ceux-là se libèrent de la culture musicale. L'enthousiasme s'est porté sur le désenchantement. Les affects s'attachent à une technique et rejettent tout sens. L'art tombé au niveau de la culture subit le châtiment d'être irrésistiblement confondu avec ses propres déchets, plus il développe cette monstruosité. Le prix du privilège culturel est un alphabétisme sûr de sa valeur et qui prend l'abrutissement de l'excès toléré pour le royaume de la liberté. Ces phrases sont d'une cruauté sans nom, Christian Béthune. Pourquoi ? Quel est le problème d'Adorno avec le jazz ? Ben, je crois que le jazz fait peur à Adorno. Ça, c'est sûr. Alors, il y a notamment dans le supplément d'Oxford à Uber Jazz, à propos du jazz, qui a été fait, je crois, ce supplément a été écrit en 37, si mes souvenirs sont bons, où il reproche au jazz, par exemple, d'entretenir la confusion des sexes et donc d'être le triomphe de l'homosexualité, quelque chose comme ça, et du sadisme, il y a en plus. Et il a peur du jazz comme si les deux expressions, l'art musical tel que l'Occident l'a créé, la musique savante occidentale, et le jazz ne pouvaient pas cohabiter dans le même monde. Voilà, il y a cette idée que qu'il n'y a pas de cohabitation. Et quand il dit que par exemple le jazz renverse la tradition, c'est pas vrai. Le jazz vit de tradition. Le jazz se fonde sur une tradition qu'il ne connaît pas. Alors, faut dire à la décharge d'Adorno. Alors là, quand même, c'est un texte de 1955. Il aurait pu revenir un petit peu sur ce qu'il disait en 1936. Mais quand il écrit Uber Jazz en 1936, sa connaissance du jazz est assez modérée. Il a fait une préparation à Uber Jazz. Il y a un abrégé qu'on ne peut trouver qu'à la bibliothèque. À la British Library à Londres, je m'en suis fait envoyer une photocopie et je me suis fait traduire le texte parce que je suis pas assez compétent en allemand. Mais enfin, dans sa préparation, il n'a interrogé que des éditeurs de musique. Et il a étudié le jazz sur partition. Alors effectivement, il y a des endroits où il y a marqué qu'il faut faire des bruits, parce que c'était des partitions très bizarres qui faisaient dans le jazz, le fameux jazz de la République de Weimar. Il y avait une approche à la fois alors très allemande, c'est-à-dire très scripturale, où tout se faisait à partir de partitions, et donc les effets étaient écrits, les improvisations étaient écrites, etc. Donc c'est un petit peu particulier là, mais et ce qu'on peut reprocher à Adorno, c'est qu'en 55, il soit pas revenu, alors qu'il a eu un privilège que je n'ai hélas pas lu, c'est d'entendre en direct, par exemple, Johnny Hodges. Oui, mais ce que Adorno reproche directement au jazz, c'est justement, c'est là où c'est passionnant et au cœur du sujet de notre discussion ce matin, c'est sa dimension atemporelle. Au fond, il reproche au jazz, eh bien, un peu ce que Pierre Boulez disait dans l'archive tout à l'heure, sauf que Pierre Boulez en faisait l'éloge. Adorno reproche au jazz de s'extraire d'une forme de temps et d'héritage et d'être dans ce qu'il appelle le royaume de la liberté, au mépris de toute forme de passé et de tradition dont le jazz aurait hérité. C'est un contresens, non ? C'est un contresens, oui et non. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce que Adorno a très bien vu à propos du jazz, c'est que le processus historique du jazz n'est pas un processus dialectique. Et c'est ce qu'a bien vu... Ça veut dire quoi, dialectique ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il est avec, qui procède par étapes, le moment où on pose le pour soi, l'en-soi, puis la négation de l'en-soi, le pour soi, et puis le moment réconcilié de l'en-soi et du pour soi, etc. C'est un temps cyclique, c'est un temps pour lequel le présent et le passé se confondent dans un maintenant de l'improvisation. Et donc, c'est d'une certaine manière, c'est le temps du compteur que tel que le décrit Walter Benjamin, par exemple, mm-hmm. qui reprend un grand. Et d'une certaine manière, dans ce petit texte de Walter Benjamin, que Adorno n'aimait pas beaucoup d'ailleurs, qu'il lui a reproché plusieurs fois, à la fois sur l'œuvre d'art, bien sûr, mais sur d'autres textes, il lui dit « vous n'êtes pas dialectique ». Il dit toujours ça à Benjamin Adorno. Pourquoi ? Parce que sa conception du temps, effectivement, l'idée qu'on puisse revenir, qu'on puisse que le temps n'est pas, l'histoire n'est pas écrite une fois pour toutes, mais qu'elle peut se relire, elle peut se relire de façon messianique, etc. Ça choquait énormément Adorno. Et d'une certaine manière, il y a une forme de messianisme dans le jazz. On peut le dire. J'ai appelé un ouvrage l'apothéose des vaincus, mais c'est ça, c'est-à-dire que d'une certaine manière, là, les vaincus de l'histoire vont contaminer la musique du XXe siècle, alors qu'habituellement, au contraire, ce sont les vaincus de l'histoire qui subissent la suprématie culturelle de leurs vainqueurs. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu à la suite de ce texte, c'était Beginning dans The Survivor's Suite 1977. C'est le quartet américain où Keith Jarrett joue avec Dewey Redman, Charlie Hayden et Paul Motion. On trouve en exergue de l'album une ligne écrite par Keith Jarrett, je crois, qui dit ceci: et ceux qui créent à partir de l'Holocauste de leur propre héritage rien de plus qu'une tombe pratique qu'ils ont faite eux-mêmes seront appelés survivants. Et c'est le nom de l'album, The Survivor Suite. Voilà. On est dans la continuité de ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas sacrifier le passé, mais surtout, le passé est intimement lié au présent et que prétendre à une création de toute pièce est impossible. Bon, ça, Adorno le savait aussi. Hein. Je ne vais pas faire dire à Adorno des bêtises. Mais enfin, cette imbrication est fondamentale. Et ce qu'il y a, c'est que Adorno ne connaît pas la tradition du jazz. Ça, c'est un fait. Il ne comprend pas, par exemple, comment les petites ritournelles de travail que chantaient les esclaves étaient des moyens de subvertir la métrique du travail. Hein. Ils avaient un travail métré en quantité de canne à sucre à récolter, en quantité de coton à récolter, en hectares de terre à défricher, etc. C'était très métré. Et eux, par leur champ de travail, ils imposaient un rythme et donc ils s'appropriaient le rythme. Disons, ils déconstruisaient le maître et ils se l'appropriaient par le rythme. Et là, cette idée que le rythme vient déconstruire le maître, on le trouve dans très bien indiqué chez Gilles Deleuze et Guattari, hein, c'est cette subversion du maître par le rythme. Et ça, bien sûr, Adorno ne l'a pas perçu, parce que pour lui, ces petites ritournelles n'ont pas d'épaisseur. Or, précisément, ça aussi c'est intéressant, parce que ce qui est intéressant dans la ritournelle, selon Deleuze et Guattari, surtout Guattari d'ailleurs, c'est d'abord Guattari hein, qui a mis en place le concept de, je crois que c'est un truc dans un livre qui s'appelle la mécanique de l'inconscient ou quelque chose comme ça, dès 79. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant dans la ritournelle, c'est moins le fait qu'elle se répète, mais c'est qu'elle est portable. C'est-à-dire qu'on peut la transplanter d'une situation à une autre. Donc la ritournelle, je précise, hein, quand Deleuze et Guattari en parlent dans Mille Plateaux, ritournelle, c'est par exemple un chant folklorique, une chanson à boire, la valse de Vienne, des clochettes à vaches, voilà, tout ce type de ritournelle, de petites mélodies, de petits airs qui peuvent revenir en permanence et qu'on garde en tête. Pas seulement, parce qu'il y a aussi des ritournelles gestuelles et même des ritournelles de couleurs. Donc la ritournelle est gestuelle. On peut par exemple penser que la façon dont Lester Young incline sa tête quand il veut trouver certaines notes ou quand il est dans une certaine atmosphère de balade, il incline sa tête d'une façon tout à fait improbable, mais on retrouve ça régulièrement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on transporte une ritournelle avec soi, on la confronte à différents contextes, de lieux, de temps, de circonstances, et on pourrait dire que la ritournelle constitue une sorte de complément purement circonstancielle pour l'individu. Elle accompagne, ou plutôt elle ponctue, un processus que Deleuze appelle la déterritorialisation, reterritorialisation, c'est-à-dire que quand l'individu se sent perdu, se sent déterritorialisé, il sollicite une ritournelle pour se reterritorialiser, et à partir de cette ritournelle, il va, cette ritournelle va devenir musique, elle va redéterritorialiser, etc. Voilà, c'est un jeu toujours, et c'est précisément pour Deleuze et Guattari ce qui remplace la progression dialectique, justement. L'histoire, elle est faite de ritournelles qui reterritorialisent l'individu, puis de musique qui le déterritorialise, etc., etc. Et donc, il y a une volonté non dialectique chez Deleuze et Guattari, une volonté non dialectique très prononcée. Et donc, ça, cette idée, les quelques notes des Feuilles mortes ou de God Bless the Child vont se transportent et déterritorialisent et reterritorialisent l'individu. Oui. Et je renvoie les auditeurs donc à ce texte qu'on trouve dans Mille Plateaux sur la ritournelle qui est vraiment magnifique et qui permet aussi de comprendre ce qu'est le jazz qu'on a essayé de faire cette semaine depuis lundi. Et je comprends pourquoi Christian Béthune vous disait que vous préfériez le jarret en trio ou en quatuor que le jarret solo, puisqu'au fond ce qui vous plaît dans le jazz c'est aussi cette inscription dans une histoire et dans une mémoire. C'est d'abord une musique collective qui permet à chacun ensuite de trouver une identité, mais on est bien loin du jarret solo face à son piano en concert à Cologne ou à Tokyo, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Et puis je trouve que Peacock et Jarrett ou Mossian et Charlie Haddon ouais, canalisent vraiment bien la créativité de Jarrett, qui a tendance dans ses grands machins, elle a tendance parfois à s'égarer, à se chercher, etc. Ça fait partie de son processus créatif. Mais ouais, enfin, la façon dont De Jonette et Peacock canalisent Jarrett, c'est sidérant. Je vous remercie infiniment d'avoir discuté avec nous ce matin de Keith Jarrett pour terminer cette série. C'est Christian Béthune. Et je vous propose, vous avez une décision à prendre, une ultime improvisation, puisqu'on a commencé avec les Feuilles mortes, on va se quitter avec les Feuilles mortes. On a quatre versions, c'est vous qui allez choisir celle qu'on va écouter. Il y a celle de Frank Sinatra, celle de Sarah Vaughan, celle de Edith Piaf et celle de Nat King Cole. Vous choisissez laquelle? Sarah Vaughan. Eh bien, Sarah Vaughan, la voici. Christian Béthune, de vous, on peut lire l'apothéose des vaincus, philosophie et chant jazzistique, vous en avez parlé, blues, féminisme et société, le cas de Lucille Bogan aux éditions Camion Blanc, le jazz et l'Occident, le rap, une esthétique hors la loi, Adorno et le jazz, Charles Mingus, Sidney Bechet, vous avez beaucoup écrit sur le sujet, et c'est un régal de vous lire, alors vraiment, chers auditeurs, n'hésitez pas. J'en profite pour citer un livre qui nous accompagnait toute cette semaine dans l'équipe des Chemins de la Philosophie pour préparer ces émissions. C'est la monographie que Jean-Pierre Jackson a consacrée à Keith Jarrett aux éditions Actes Sud. Lisez, écoutez, c'est sans fin. Merci Christian Béthune. Je vous laisse donc avec Sarah Vaughan. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow Les Feuilles Mortes, Autumn Leaves, par Sarah Vaughan. Là, on est bien loin de Cosma et de Yves Montand qui ont ouvert cette émission. On est aussi loin de Keith Jarrett et on est loin du début de l'émission parce qu'on s'avance vers la fin de l'émission et surtout vers le début. Vous y retrouvez, hein, de la chronique d'Aurélien Bélanger qui, comme chaque jour, vient poser sa question philo. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous êtes avec nous depuis chez vous, comme chaque jour, et votre question du jour est la suivante. Maradona était-il vraiment Dieu ? Tout ce que je sais, c'est qu'à sa mort, je n'ai ressenti aucune émotion. Pas en tout cas cette émotion lointaine qu'on ressent à la mort d'une célébrité, l'effet Diana ou Johnny, cette impression de vanité soudaine devant le spectacle de la disparition. La mort de Maradona, je ne l'ai même pas trouvé triste. C'était un événement en cela un peu extraordinaire. Le personnage avait un caractère éminemment farcesque et sa mort ressemblait à sa dernière farce. Il y a une photo de lui qui le montre de dos face à ce qui ressemble, grand et blond, au bloc défensif de la Mannschaft. Et l'on sait évidemment, sans avoir besoin de regarder la vidéo, que ce petit Dionysos va atomiser cette armée d'Apollon. Comme on a instantanément su que la vidéo n'y changerait rien et que ce but de la main contre l'équipe anglaise était parfaitement réglementaire. Il a parlé bien sûr de la main de Dieu et la presse a logiquement conclu ce matin à la mort de Dieu. Mais je crois que c'est plutôt d'un demi-dieu qu'il faudrait parler et la chose n'a rien de dépréciatif. On se doute qu'appeler Maradona Dieu, c'est forcément allégorique, alors que demi-dieu du foot, ça peut presque marcher. Cela rend en tout cas bien compte de mon sentiment. Je n'ai éprouvé aucune tristesse à la mort de Maradona, car je savais bien qu'intrinsèquement, celui-ci ne pouvait pas mourir. Les demi-dieux, à leur mort, sont rappelés sur l'Olympe. Alors quel type de demi-dieu était Maradona ? Un dieu populaire avant tout, une émanation glaiseuse d'un bidonville argentin, et sa silhouette trapue avait bien quelque chose d'archaïque, de précolombien. Maradona, c'était littéralement une icône populaire. Que le monde entier se soit ensuite prosterné devant elle, me rappelle cette attitude prudente ou effrontée de Baudelaire. « Je ne passe jamais devant un fétiche de bois, un Bouddha doré, une idole mexicaine sans me dire « c'est peut-être le vrai Dieu ». Maradona, profondément, nous interroge. Parce qu'il a fait de son vivant l'objet d'un culte, parce qu'aucune de ses frasques n'a jamais atteint l'image qu'on avait de lui, comme ces statues qu'on jette au feu et qu'on ressort intactes. Son don, pourtant, apparaît minuscule. On le revoit dribbler plusieurs défenseurs et marquer l'un des buts les plus beaux de l'histoire du foot. Maradona, ce n'est que cela, une bonne vitesse de l'adresse et une vision lucide du jeu. Mais la chronologie, cependant, est troublante. Ce but, il l'a marqué quelques minutes seulement après la fameuse main de Dieu. Et ce but ressemble en cela à une action de grâce. Il faudrait écrire l'évangile synoptique de ces deux héros argentins partis à la rencontre de leur destin en Italie, Maradona et le cardinal Bergoglio. Oui, alors là, c'est plus un demi-dieu, hein, Maradona. Vous en faites un saint, j'ai l'impression. C'est aussi ce qui est très troublant avec Maradona. On a assisté presque en direct à la fabrication complète d'un saint. Un saint venu jouer évidemment à Naples, la capitale de la dévotion populaire, et on repense à ce physique improbable et dionysiaque, ce corps dont la forme de tonneau s'est sans cesse accentuée pour trouver enfin sa véritable identité, celle de ces petites images pieuses et cylindriques apposées sur les bougies votives. Et plus que ces vidéos baveuses de ses exploits au Mondial de 86, ce seraient ces images qu'on conservera de lui et qu'on fera tourner comme des lanternes magiques un peu dérisoires, destinées à faire revivre la légende de ce petit saint argentin capable de traverser seul toute la défense adverse. Alors, c'est soudain l'extrême pauvreté de cette vie qui nous touche. Maradona, cela n'aura été que cela, un footballeur, une créature touchée par la grâce qu'à de rares instants dans sa vie, mais qui peut prétendre à beaucoup mieux? L'éternité ne dure peut-être que 90 minutes, mais c'est juste assez pour qu'on puisse, dans un geste fou et génial, la toucher vraiment. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic qui a réalisé pour vous cette série de confinement autour de Keith Jarrett, Jacques Azubert qui est à la prise de son aujourd'hui, Denis Podalides qui est à la lecture des textes. Je vous donne rendez-vous demain Demain, ce sera cours particulier et l'occasion pour vous de redécouvrir le cours particulier que le pianiste et compositeur Michael Levinas était venu vous proposer à ce même micro. Ce sera donc une semaine musicale jusqu'au bout. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et cette série en vous rendant soit sur le site de France Culture, soit en téléchargeant l'application Radio France, où vous pouvez écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous écoutez les émissions que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Grande liberté d'écoute donc, on a hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez par exemple nous écrire sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.